arc-en-ciel, il est 15h. I'm cherche un refuge, une place où personne ne te juge. Tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si jamais tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as un gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi. Je n'ai pas de baguette magique, de cœur miracle, tout le cirque. Mais si tu pars à la dérive, je serai là quoi qu'il arrive. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ni des promesses à la légère, mais ma déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi. Quelle que soit la raison, ni pourquoi, ni comment, ni pour combien de temps, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Si jamais tu cherches un refuge, tu peux compter sur moi. Une place où personne ne te juge, tu peux compter sur moi. Tu trouveras toujours chez moi. Tu peux compter sur moi. Un endroit qui ressemble à ça. Tu peux compter sur moi. Si jamais tu sens le besoin, tu peux compter sur moi. De parler à quelqu'un, tu peux compter sur moi. De mettre des mots sur tes peurs, tu peux compter sur moi. Si tu en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ni des promesses à la légère, mais ma déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi. C'était la famille Chédide au grand complet. Jusqu'à 17h, c'est Micro Ouvert, une émission de Valérie présentée par votre serviteur, avec plein de douces choses musicales à déguster sans modération. Je vous souhaite un bon après-midi. Soyez heureux. Don't sing love songs, you'll wake my mother. She's sleeping here right by my side. In her Yeah. 17h, donc micro ouvert. À 17h, vous retrouverez La vie comme elle va et toute la petite bande, avec en plus Martine, notre amie de la bibliothèque des Jacobins de Fleury-les-Aubrais, qui viendra nous présenter sa sélection pour ce qui est de la rentrée littéraire 2019 à Fleury-les-Aubrais. La vie comme elle va, c'est Irène, c'est Eliane, c'est Jean-Pierre. Et c'est plein de passion. La vie comme elle va, 17h, 18h chaque mercredi sur votre radio. À 18h, rendez-vous incontournable depuis moult années. Celui que vous donne Violette pour traditionnel, 19h. Agenda des sorties, vous saurez tout à vos gambettes. qui vivaient dans les villes, dans les ghettos, dans les îles, sous le vent. Femmes vivant dans les montagnes, les déserts, les campagnes et dans les camps. Femmes qui êtes en prière, femmes relevez-vous, il est temps. Qui traîne au milieu des journées sans fin. Parfois tu m'écris une lettre ou tu ne signes que d'un point. Ça met du soleil à ma fenêtre, mais pour toi ça ne résout rien. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. Derrière un maquillage timide, un peu de noir autour des yeux, vient se cacher la peur du vide. Tu penses nous, mais tu dis je. Bien sûr tes parents tu les aimes, mais tu dis qu'ils ne comprennent rien. Ce n'est pas l'avenir qui t'entraîne, mais c'est l'ennui qui te retient. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends. comprends, je sais au moins. Même si ta vie commence à peine, t'as déjà plus envie de rien. Et ce frisson que tu étreignes n'est qu'une larme sans chagrin. Ta chambre est une grande scène, mais les héros sont en photo. Et la voix qui te dit je t'aime n'est qu'une chanson à la radio. Je te réponds ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, je sais au moins. Dans tous les disques et tous les livres qui sont le décor de tes nuits, tu cherches une raison de vivre comme un écho à ton ennui. Je n'ai de toi que quelques lignes, quelques mots écrits à la main. Mais à mon tour je te fais signe, même si tu m'oublies demain. Je te réponds ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. Le temps qui passe me fait de la peine, et il nous sépare déjà. Mais tes angoisses puis les miennes viennent à se ressembler parfois. Je te réponds ma lycéenne, j'aimerais être lycéen. Je veux quelqu'un qui me comprenne. Si c'était toi, ce serait bien. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Il n'est pas question d'aventure, séduire le temps disparu. Le cœur garde pour toujours malgré nous, en mémoire nos amours. Peu importe les voyages que l'on fait, jusqu'au bout de nous-mêmes, le cœur reste pour toujours, malgré tout, fidèle au rendez-vous. Plonger trop loin l'aventure, difficile d'en revenir. La musique me faisait mal, même banal, c'est pire. Casser la gueule de mes souvenirs, en changer les images, trahir le secret de tes désirs. Pas question d'aventure. L'éternelle histoire d'amour. Quelques coups de téléphone, jouer comme personne le rôle d'un fou. Aujourd'hui le temps m'épuise, j'avais trop peur pour moi, c'était trop doux, amoureux, tout d'un coup. Laisse ma chanson prédire, princesse, que malgré nous, tout ce que l'on a pu vivre dans nos cœurs restera toujours. Casser la gueule de mes souvenirs, en changer les images, trahir le secret de tes désirs, les démolir. Pas question d'aventure, pas question d'aventure, oh non. Pas question d'aventure, certes, mais un très joli duo entre Claude Dubois et Monsieur Cabrel. Juste avant, c'était Philippe Châtel et sa lycéenne. À suivre, une grande voix du jazz féminin, Di Alexander. Gave you my heart, surrender your love. I knew from the start that you were part of me. Two hearts, one soul. Share. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel, c'est mercredi, micro ouvert. On fait des gros bisous à Valérie. Et voilà. jusqu'à 17h, du jazz, de la jolie chanson, des jolies mélodies, des jolies musiques choisies pour vous. Je tu commences à brûler. Un début de givre d'hiver et moi je garde les yeux fermés. J'ai pas envie de voir qu'on s'enfonce dans le noir. J'ai pas envie d'avoir envie de mourir, d'envie d'hiberner. J'ai l'amour qui fait la fièvre et ton corps pour me réchauffer. J'ai pas envie de voir qu'on s'enfonce dans le noir. J'ai pas envie d'avoir envie de mourir. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel. Je remercie mon ami Argemiro de m'avoir donné un petit coup de fil. C'est fort sympa. Argemiro, on le retrouve demain matin à partir de 9h, entre 9h et midi. C'est la voix du Portugal. La jolie voix du Portugal. Pour notre part, on est là jusqu'à 17h. C'est Micro Ouvert, l'émission de Valérie, présentée par votre serviteur. Bon après-midi. Je sais, je sais, je sais, je l'ai oublié. C'est tout entendu. Tu parles tant d'une cigarette. Ça se prend, ça se fume. Et puis ça se jette. Ben oui, je la connais la chanson. Pas besoin d'aller jusqu'au refrain. Tu craques une allumette et tu reviens. Vas-y, vas-y, ben voyons donc. T'as pas besoin de ma permission. Les jeux sont faits de toute façon. Ben peut-être aussi des fois je pense. Mais sans extravagance. J'en rêve la nuit, c'est pas un crime. J'attrape au vol une ballerine. Des fois c'est toi, des fois c'est pas toi, ok. Mais lui s'il te relance, t'as pas vraiment besoin d'en rajouter. Mais voyons donc, j'suis pas jaloux. Comme un trou dans notre histoire. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes mains. Si c'est ton cœur. Faire Monsieur Paul Piché, un des grands auteurs-compositeurs québécois. You can't know how. Chez nous, il est 16h et chez vous. On vous souhaite un très bon après-midi. Tous ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles reins? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard? Est-ce la terre qui retient leur pas, ou le ciel qui est trop lourd? Ils marchent l'écart du hasard. Que savent-ils de l'amour? Sans foi, sans toi, je cherche ma route. Autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers invisible rêve? Que voit-il au bout de leur course quand le pont? C'est un vieux souvenir, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors au programme de cet après-midi à 17h, bien sûr, c'est le rendez-vous avec La Vie Comme Elle Va, l'émission d'Irène, Eliane et Jean-Pierre, avec pour invité tout à fait exceptionnel notre ami Martine de la bibliothèque Les Jacobins de Fleury-les-Aubrais, qui viendra nous présenter sa sélection pour cette rentrée littéraire 2019. Et puis à 18h, le rendez-vous est incontournable, c'est celui que vous donne Violette, dans traditionnel. Avec toutes les idées sorties à 19h, ce sera l'ouverture de l'agenda des sorties. D'ici là, soyez heureux, tiens. Tant aimé que mon corps est pétri. De sa vie, c'était bien sûr Art Mango, version maxi 45 tours, vinyle bien sûr, de l'époque. Ça fait du bien dans nos petites oreilles. Ça aussi d'ailleurs. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con ou lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours? Ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est l'air pour l'amour? C'est con et lourd. Écoutez d'où ma peine vient. des yeux drôles. Est-ce qu'une heartbreak is gonna fall? Est-ce que c'est long? D'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. veux aimer que toi. Et ma lampe s'est éteinte. C'est toi qui l'as rallumée au dernier chant du soir. Je t'ai entendu pleurer dans mes sanglots et mes plaintes. Oh, et là tes larmes de lumière ont brillé dans le noir. Amour, amour, ma joie. Souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle. Je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Ni les silences, ni les serments, ni les rubans fidèles et bleus, ni les querelles des amoureux. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Quand vient le soir, n'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle, comme au bon Dieu sans trop y croire, le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle chante, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Elle change sa robe et l'eau des fleurs. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois je pense à bon Dieu, sans trop y croire. Les autres fois, je pense à comme au bon Dieu, sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle rit, et quand elle sort, j'attends. J'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. La fille qui sert des petits rosés, elle a le cœur tout cabossé. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Son mec, c'était un zozo, un petit matelot de Valparaiso. Mais entre Brest et Cotonou, parfois les amours se dénouent. Passé le 8e parallèle, Cupidon eut un coup dans l'aile. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Les types qui traînent par ici ont tous la fièvre de Bercy. Ils se brûlent la gueule au pernaut auquel ils n'ajoutent pas d'eau. La fille qui a le cœur cabossé, ils se battent pour la faire danser. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Cette fille qui dit jamais non, on connaît pas vraiment son nom, mais sur le dos d'un arc-en-ciel, elle vous emmène au 7e ciel. Certaine met du cœur à l'ouvrage, mais elle n'est jamais du voyage. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Arc-en-ciel, la FM en couleur. En couleur, couleur, couleur. Better than cream cheese on bagels, better than honey on bread, better than champagne and pretzels, better than breakfast in bed, better than chili rellenos, better than chocolate eclairs, better than hot house tomatoes, better than fresh Bartlett pears, better than dining a la carte, or simply gastronomic art, better than anything except being in love. Better than making a million, better than being a queen, better than oil wells and gold mines, better than pastures of green, better than finding a horseshoe, better than losing your head, better than anything thought of, better than anything said, better than singing right out loud, or being spotted in a crowd, better than anything except being in love. Better than Rollins and Coltrane, better than Beyonce Stan, better than Ella Fitzgerald, better than Miles' latest news, better than Bill Evans' ballads, better than Joe Williams' blues, better than hearing Lady Day or checking in at Monterey, better than anything except being in love. Better than driving round the park or watching fireflies after dark, better than anything except being in love. vénitien, ni contempler les mystères égyptiens. It's raining, raining in my heart. C'est bon, c'est bon. sur Radio Arc-en-Ciel et dans Micro Ouvert, il y a toujours une petite place pour Stanley Clark. Un grand monsieur de la basse électrique. Les rendez-vous à suivre sur Radio Arc-en-Ciel, 17h, La vie comme elle va, l'émission où les livres ont la parole sur la radio. Vous retrouverez bien sûr Irène, Eliane, Jean-Pierre et une invitée spéciale cet après-midi, puisque c'est notre amie Martine qui nous rend visite pour nous présenter sa sélection concernant bien sûr la bibliothèque des Jacobins de Fleury-les-Aubrais, en ce qui concerne la rentrée littéraire 2019. Et puis à 18h, c'est Violette que vous retrouverez pour la musique traditionnelle. 18h-19h30, Violette et traditionnelle. Allez, on s'écoute encore quelques petits morceaux avant de rejoindre nos amis. Des cieux sous les ombres et le ciel gris bleu, tu t'offres ton esprit célèbre la mort du bout des lèvres. Tu voyages. Ces autres rivières, les paysages qui datent pas d'hier, bercés par ces œuvres qui vivent ton corps à la nuit. Jenka, je ne sais même pas si l'album est sorti, mais c'est vraiment très beau. On se recoutera ça dans les semaines à venir. Allez, un vieux souvenir avec monsieur David Coven. Ça s'appelait Afrique, souvenez-vous. Afrique. catalogique, une gazelle et la plastique, faut faire belle exotique. Afrique, Afrique, Afrique, Afrique, tu vis tes faces que tes trafics, derrière un masque excentrique. Ben des ben, des tam tam résonne dans mon âme, polygame, ma vita m'éternam. Femme d'Éden, tes tam tam résonne dans mon âme, polygame, ma vita m'éternam. Éternam. Afrique, Afrique, Afrique fanatique, de rythme fou du Mozambique, à ton beaucoup freiné.

Il est 17h.